Les journaux et agences de presse d'Internet mauritaniens ont présenté la Corée. Les agences de presse d'Internet Al-Mushahid, Irshad et Antalipin ont fait part en détail de la longue histoire et des caractéristiques naturelles et géographiques de la Corée, avec les photos montrant les créations monumentales coréennes, notamment le monument aux idées du Jutsé, l'Arc de Triomphe et le musée de la guerre de libération de la patrie. D'autre part, les agences de presse d'Internet Irshad et Mauritani Al-Youm ont présenté le musée de la nature et le zoo central à Pyongyang, alors que le journal d'Internet Rawzal Al-Hakika a donné un écrit titré « La station de ski Masignon de la République populaire démocratique de Corée ».